أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الله يشفيك. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد طاهر الأمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. إذن شفنا عن الصيام وأهمية يعرف الإنسان أركان هذه العبادة ويلتزم أوقات يعني بحدود اللي هو حدود النهار، اللي هو طرف النهار، طرفي النهار، الفجر إلى الغروب. وبينا أنه يعني إنسان يحتاط في العبادة حتى تكون عبادة صحيحة. إذن قلنا النية ينوي كما قلنا عند المالكي عن أول الشهر، وعند الشافعي كل يوم. إذن المراقبة تكون غدا، يراقب الهلال في بلاد المسلمين ولهنا عند الشافعي يثبت الرؤية للبلاد القريبة، وعند المالكية إذن عند الحنفية يعني مهما بعدت البلاد التي ثبتت فيها الرؤية تستطيع أن تتبع هذه البلاد إذا كان ثبتت الرؤية. Donc demain, Inch'Allah, c'est la, les gens ils observent le croissant lunaire le soir. Donc bien sûr, il y a des pays où ça va se coucher plus tôt, comme en Australie, des choses comme ça. Il y aura peut-être une information, bien sûr, avant, généralement. En Indonésie, tout ça, ils se couchent avant. Et les gens, ils observent. Inch'Allah, il y a beaucoup de musulmans. Donc il suffit d'avoir la confirmation de sources sûres. Et donc, جي قبل يعني لهنا الغروب شوية مأخر، لكن هناك البلاد يغرب فيها قبل يشوف الهلال. إذا تشاف يبدأ السبت، إذا ما تشافش لا حد. Si le la croissant il est vu, ça sera samedi. Si il est pas vu, ça sera dimanche. لا تقدم رمضان بيوم أو يومين، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. إذن و Donc il a dit, le prophète, n'anticipez pas Ramadan d'un ou deux jours. On ne peut pas faire avant comme ça, précaution, c'est haram. Et jeûner à la vue du croissant et compléter le jeûne à la vue du croissant. Là, il y a juste l'insan, il soum kek ahtiyatan ala annahum Ramadan. Un ghayri ta'akkud. Al-sahour mustahab. Le Rasoul dit, tasahharu fa inna fi sahouri baraka. Prendre quelque chose vers la fin de la nuit, c'est recommandé, yani. Sahour qu'on appelle. C'est pas obligatoire, mais c'est recommandé. Ahsan. Walaw shay qalil, walaw shay qalil. Sar obligé il habia kel yakl mush mush. La مشكلة طبعا الوقت هذاك طبعا بينا ان الانسان يحتاط خاصة في دراسة كاملة نحن بينا وعندنا نحن فريق يمشي نهار الجمعة يراقب. نحن كل عام نراقبه الحمد لله، الهلال الفجر عندنا عدة ناس أنا مشيت معهم نفسي. Donc on a plusieurs équipes à chaque fois. Vendredi il y aura une équipe qui va observer. Donc nous on observe الحمد لله que ce soit le croissant lunaire ou l'aube aussi. Donc c'est observé. La feuille qu'on distribue elle est vérifiée. Donc c'est pas comme ça, c'est pas à l'aveuglette. C'est vraiment vérifié. Et on a dit Paris, c'est particulier. Paris, c'est une latitude haute qui fait que il y a le phénomène de l'aube qui ne disparaît pas. Vers le 20 juin, c'est le 21 juin, c'est le plus long en fait. Et juste avant le 21 juin et juste après. Ça, c'est les journées les plus longues. Et là, l'aube, elle ne disparaît même pas. Et là, ça sera vraiment très tôt. Parce que la règle qu'ils ont dit les savants, c'est que si ça disparaît pas, il faut voir une ville plus proche où ça disparaît. Comme quelqu'un il habite au Suède, et il fait nuit des mois. Ou en Norvège, pendant des mois. Il ne va pas faire que l'Isha et c'est tout. Non, non. Il faut, qu'est-ce qu'ils ont dit dans ce cas? Il faut voir la ville normale la plus proche de toi. C'est comme ça. C'est une règle. Et de quelle يعني العلامة للصلاة أو للفجر ما تظهرش كفي النرويج مثال الحج. هنا ماذا تفعل؟ تنظر إلى البلاد اللي أقرب منك. Et là aussi, ça va être très tôt, donc il faut considérer, donc pour ce qui est juin, où l'aube ne disparaît pas, on va considérer les choses, les villes au-dessus, vers Melun et tout ça au sud. Tout ça, c'était vérifié et étudié. Les gens, ils ne sont même pas au courant, en fait. Donc, alors, c'est important. C'est un amour muhim. Le Rasoul dit, « Rubba sa'imin, laysa lahu min siyamihi illa al-jou' al-atash » Le hadith. Sokal, ce qui signifie, il a dit, Yana, il pense faire le jeûne, mais il ne gagne que la faim et la soif. Ça veut dire, penser tout seul ne suffit pas. Parce que beaucoup de gens étudient, ah, donc là, on l'a dit, on le redit, alhamdoulilah, c'est une chance d'avoir des gens qui font attention. Ni'mat al-qanas, yani, tchrah lak, ou y'aoud lak, ou y'akhou waqtu, yani, ou y'bayin, ou n'est ta'arif al-din, hadi, Rasul qal, man yuridillahu bi khayran, yufaqih al-din. Celui pour qui Allah veut le bien, lui facilite l'apprentissage de la religion. Donc de trouver des gens qui font attention, ils bâclent pas ça. Des gens, ils bâclent. Juste, ils ramassent l'argent, c'est tout. Mais ils bâclent les sujets de la religion. Ils appellent l'imprimeur et allez, commande. Elle est distribuée à l'aveuglette. Tu dis, explique-moi. Il est même pas... Nous, on peut expliquer de A à Z ce qu'on a fait. De A à Z, on peut l'expliquer. Alhamdoulilah. Parce que c'est la religion. C'est la religion. قال ابن سيرين ابن سيرين قال إنما هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم هيك قال ابن سيرين وهذا فين إمام مسلم عامله في أول كتاب عن ابن سيرين إنما هذا العلم دين فانظروا عمن تأخذون دينكم مسلم يغبط ابن سيرين dans le début de son صحيح certes cette science c'est de la religion donc faites attention de qui prenez la religion donc imsaki c'est pas en achetant des merguez, je prends la feuille. Genre, il a même pas vu. Allez. C'est pas un régime là, tu vas pas faire. C'est une adoration. Pour l'islam à la khams. C'est pas je prends la feuille du boulot à côté de la caisse et ça y est, je ferme les yeux. Clique, je télécharge l'application. C'est pas comme ça. Il y en a, j'étais chez des gens. Ah, l'application, elle a dit. L'application, c'est des gens, voilà, ils cliquent et vous gagnez un euro. Et tu crois qu'il va chercher est-ce que c'est valable ou non? Mais en fâche, moi je suis yom al-qiyam et goula al-bouchi gel. Kalou inna wajadna aba'ana ala ummatin wa inna ala athani la muhra'oum. Kuffar Quraysh, kalou al-gain al-nais ala al-dhalil atabba'naham. Je kalou ibn al-Fudayl ibn Iyad, hadha min al-sahihin, kal usluk turuq al-huda. ولا يضرك قلة السالكين وإياك وطرق الضلالة ولا تغتر بكثرة الهالكين مش الناس داخلين في حيط ندخل معهم لا إذا هناك لابد دليل مرجعية دينية il faut une preuve religieuse pas il y a le troupeau et je suis le troupeau avec les mains il faut une preuve et là c'est le jeûne celui qui n'a pas compris les détails nous on l'explique on prend le temps etc on y reviendra pour les détails donc que ce soit la religion ou les détails donc comment observer etc إذن الإنسان عليه يعني هذا أمر مهم الصيام والحمد لله رب العالمين صلى الله على محمد الطاهر الأمين اللهم ارزقنا علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء كل داء سبحان ربك رب العزة عما يصفون السلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين